Battu de plaies sur ces terres? À vagabonder? À voir les jours mourir sous tes yeux? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état, hein? T'as commis un crime de trop, vu trop de braves gens mourir? Ta famille, peut-être? Tu t'imagines que tu es le seul à avoir souffert? On est tous passés par là, mon vieux. Mais nous, on n'a pas renoncé. On est restés des êtres humains. Avec triste harmonie à quand ce peuple uni dans le respect des différences. Qu'il y a les pouvoirs vampires, ça sème l'immigration. En France, on empêche de force de gris la semence de nouvelles graines. Conséquence à flot, c'est notre sève qui coule dans la Seine. Cousin, j'ai un problème. Car durer la vie que je mène, là où je réside, est pas chaud. Son speed balançant dans le vide, tous mes sables dans la Seine. C'est bien plus qu'un problème. Une fausse manœuvre du système. Qu'on le veuille ou non, c'est du pareil au même, c'est toujours les mêmes. Qui paye Mary and Winty, les gens n'ont plus la foi. Ils naissent et poussent dans la misère, mais kiffent leur vie de misérable. S'auto-détruisent sous les yeux de ce système vampire. Nous sommes tous dans les mêmes galères, et je t'avoue que tout ceci m'accable. Unité des décis, c'est le but des DJ Kairanes. Ils poussent dans la misère, mais kiffent leur vie de misérable. S'auto-détruisent sous les yeux de ce système vampire. Nous sommes tous dans les mêmes galères, et je t'avoue que tout ceci m'accable. Unité des décis, c'est le but des DJ. Je suis pris d'un malaise, j'arrête pas de bégère des lyrics. Mon être se voit rongé par la haine envers les. Police qui nous veulent sous terre. La gueule ouverte et c'est de père en fils. Mais les fils reprennent la guerre et de nouveaux soldats se mettent en piste. Traqué, piste et puis placardé. Satan nous bluffe dans son vice. Père déprimé mais ralarmé de voir que c'est bouillant pour son fils. My God, pour la monnaie des âmes périssent. Dans cette course vers l'an 2000, cité Carter dans Bélis. On prend goût aux armes, mais les gunshots hurlent dans nos ghettos. L'un qui s'envole trop tôt, l'autre placardé leur mère en larmes. Du maticodile de cam, mon peuple se consume comme un bédo. Avant le mégot, faut qui nous fume pour ceux un pyromane, j'ai un carne. Misère frappe en l'eau, on fait pas partie de ce qu'elle épargne. Babylone veut nous faire taire quatre fois, nul homme au-dessus de l'Almighty God. Ils naissent et poussent dans la misère, mais kiffent leur vie de misérable. S'auto-détruisent sous les yeux de ce système vampire. Nous sommes tous dans les mêmes galères, et je t'avoue que tout ceci m'accable. Unité des décis, c'est le but des DJ Kairanes. Ils poussent dans la misère, mais kiffent leur vie de misérable. S'auto-détruisent sous les yeux de ce système vampire. Si macabre, unité les décis, c'est le but des DJ. Mais dis-moi que j'hallucine. Des foyers se déchirent, des mères folles, papas se noient dans la bibine. Leur fils tombe dans la meca, qui en masse nous assassine. Ce chèque qui les plombe, péter la bise, pas manque de cash. Assassine, atmosphère face en cimetière. Mille truffés de victimes missionnaires pour Lucifer. Si tes bises prennent une tournure sanguine de nous à nous, les douilles valsent. Pour le butin, le métal s'agite, pour qu'on cogite. Faut que c'est l'âme colo, qu'on en butin, un bad man, stop it. Rejoins mon racaille, son dynamique. Moi-même à la lèche, je prends ton malaise, de plein fouet nous frappe le malaise. Donc hérité du diabolique manège, les plus sceptiques font le crève. La falaise, j'ai trop dans la brèche. Au moment propice, la chute allume les cierges pour que leur optique ne voie que bref. L'objectif, la réussite, et ce dans tous les sens du terme. 9-4 son kaiti moqué, les équipes adverses se prosternent. Avec ton seul doctrine en tête, dans le mighty eye comme seul gouverne. Artical Mujahideen pour 9-4 HL. Ils naissent et poussent dans la misère, mais kiffent leur vie de misérable. S'auto-détruisent sous les yeux de ce système vampire. Si macabre, unité les décis, c'est le but des DJ Kairanes. Ils poussent dans la misère, mais kiffent leur vie de misérable. S'auto-détruisent sous les yeux de ce système vampire. Nous sommes tous dans les mêmes galères, et je t'avoue que tout ceci macabre. Unité les décis, c'est le but des DJ. Ghetto people, à quoi nous jouons? On veut tout sur cette jungle où il finit royal comme le lion. Je vais pas prendre la gueule, mais rappelle-toi qu'ici t'es capion. Seul dur de mener le combat, rebelle, rejoins le son de la rébellion. Ghetto people, écoutez, dites-moi à quoi nous jouons. Seul l'heure de mener le combat, rebelle rejoint le fond de caille, la rébellion. Ghetto people, écoutez, dites-moi à quoi